Are you really ready? Yeah. Yes. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. You know, the last week, I was almost like, before I go into the message, I was almost like Jeremiah. Letzte Woche war ich fast so wie Jeremia, bevor ich in die Predigt gegangen bin. La semaine passée, j'étais comme Jérémie avant de partir à l'église, de prêcher. Of how God's children choose the flesh. Wegen der Art und Weise, wie Kinder Gottes das Fleisch wählen. À cause de la manière laquelle les enfants de Dieu choisissent la chair. Amen. Amen. You know, Ty John said, I rejoice anytime I hear the truth that you choose. In Ritter Johannes steht, ich freue mich, wenn ich davon höre, dass die Wahrheit wählt. Dans 3 Jean, l'Éternel a écrit que je me réjouis toujours quand j'écoute, quand vous êtes en train de choisir la vérité. So also I'm sad when I hear the flesh you choose. Genauso bin ich traurig, wenn ich höre, wie das Fleisch wählt. Et c'est de la même façon que je suis vraiment triste quand j'écoute comment vous êtes en train de choisir la chair. You know, Jeremiah was a weeping prophet. Jeremia war ein weinender Prophet. Jérémie était vraiment un prophète qui pleurait à chaque moment. If you read the book of Jeremiah, you see how he was always crying because of the people. Wenn wir das Buch von Jeremia lesen, sehen wir, wie oft er immer geklagt hat, geweint hat, weil wegen dem Ungehorsam des Volkes. Si tu vois dans le livre de Jérémie, tu vas voir comment il a toujours, oui, il s'est toujours été toujours en train de se plaindre à cause de la décision de, oui, des gens. Sometimes we question God, why are all this happening? Manchmal stellt er Gott in Frage, weshalb passieren diese Dinge? Quelquefois il demandait à l'Éternel, mais pourquoi toutes ces choses sont en train de se passer? Why are people not choosing you? Wieso wählen Leute dich nicht? Pourquoi les gens ne te choisissent pas? Amen. Amen. Why is their choice so evil? Wieso ist ihre Wahl so bösartig? Pourquoi leur choix est si mauvais? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you go to Jeremiah 10. Jeremiah 10. Jeremiah 10. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Then in verse 23, amen. You can read here. You could, this Jeremiah 10. You see how Jeremiah, you know, what was happening to the people, and he was not happy about it. Then in verse 23, now said, "Oh Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not a man that walketh to direct his steps. He never created you to direct your steps." Er hat dich nicht erschaffen, um deine eigenen Schritte zu lenken. On sait que l'Éternel nous a pas fait pour diriger nos propres pas. But people are directing their steps. Aber Leute lenken ihre Schritte. Mais les gens sont en train de diriger leurs pas. You direct your step when you allow situation to guide you. Du lenkst deine Schritte, wenn du zulässt, dass Situation dich leiten. Tu es en train de diriger tes propres pas si tu laisses, tu autorises les situations, oui, te réjouir. Amen. You direct your step when you choose the easiest way. Wenn du den einfachsten Weg wählst. Tu es en train de diriger toi-même quand tu choisis le chemin le plus court ou Amen. Le plus confortable. You direct your step when you consider the flesh and not Christ. Wenn du Christus erachtest und nicht das Wenn du das Fleisch achtest und nicht Christus. Tu diriges tes pas quand tu es en train de considérer la chair et pas le Christ. Amen. Mm-hmm. Who is we love the flesh? La the chair. Children must go to school. Tu te dis we must go to work. Les enfants doivent partir. Amen. Wenn es dir um das Fleisch geht, wenn es dir darum geht, um die Arbeit oder um die Kinder oder die Schule. Amen. Quand pour toi il s'agit de la chair, tu te dis oui les enfants doivent partir Amen. À l'école, moi je dois partir au travail. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we allow the flesh to direct us so much. Wir lassen zu, dass das Fleisch uns so sehr kontrolliert. On autorise toujours que la chair puisse nous contrôler ou bien nous diriger. Praise the Lord. Hallelujah. You go to Galatians 5. Galata 5. On va lire Galata 5. Praise the Galatians 5. I love this Galatians 5. Amen. Galater 5, Galater 5, 5. Galater 5, Vers 5. He said, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Amen. Allow the Spirit to guide you and direct you. Wenn wir im Geist leben, dann lass uns auch im Geist wandeln. Lass es so, dass der Geist dich leitet. Il dit que puisque l'esprit est la source de notre vie, conduisons-nous aussi selon la selon sa volonté. Et donc, quand tu es, si c'est l'esprit qui te, oui, qui est ta source, tu dois aussi être guidé par l'esprit. It means consider Christ alone. Heißt, erachte Christus alleine. Das signifie que considère le Christ lui-même. Allow Christ alone to be your consideration. Lass du es nur Christus, das ist was du erachtest. Laisse le Christ te considérer, que tu puisses seulement considérer le Christ. You know, we consider things, places that are comfortable. Wir erachten Orte, die gemütlich sind. On est en train de considérer les places qui sont vraiment confortables. Praise the Lord. Amen. You know, I was just like him. And the Lord was speaking. I was to write down was I said, well, is there any need, Lord? Ich war is there any need? Because on Friday you wanted me to write things down. I was so heavy. I said am Freitag wollte er, dass ich Dinge aufschreibe, aber ich konnte es nicht und habe mir auch gedacht, weshalb überhaupt noch? What's the need of any of this? Vu que je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient en train de choisir la chair et pas l'esprit, quand l'Éternel m'a donné des messages et me disait d'écrire, moi j'étais un peu découragée, j'écrivais, je disais, mais est-ce que je dois l'écrire parce qu'ils vont faire prendre leur décision? Amen. Comme ils veulent. Upon the message, upon your warning, upon your correction, upon your direction. Mm-hmm. And people, their choice. I cannot even imagine it. Mm-hmm. Wo wir so viel Belehrung geben, so viel Zurechtweisung, so viel Wahrheit, dennoch entscheiden sich Leute für das Fleisch. Je disais à l'Éternel, mais malgré toutes tes corrections, malgré tous tes avertissements, malgré toutes les prédications que tu donnes, les messages, les gens sont toujours en train quand tu sont en train de choisir la chair et pas l'esprit. Donc pourquoi je dois encore parler? The flesh might be the easiest way. Das Fleisch ist vielleicht der einfachste Weg. La chair peut être le chemin le plus. Might be the fastest way. Das ist vielleicht der schnellste Weg. Ça peut être la. Might be the way that makes sense. Ist vielleicht der Weg, der Sinn ergibt. La décision pour la chair peut être plus vite ou bien peut être plus plausible. Amen. But Jesus said the flesh profited nothing. Aber Jesus sagt ganz klar, das Fleisch nützt nichts. Mais Jésus-Christ dit que la chair ne te sert à rien. He said it's only the spirit that quickens. The spirit might be difficult. It might be a difficult way. Mm-hmm. Nur der Geist ist lebendig. Nur der Geist erquickt. Und er ist vielleicht der schwierigere Weg. Et il dit que oui, c'est seulement l'esprit qui te sert à quelque chose parce que la chair ne te sert à rien malgré le chemin de la chair est peut-être plus vite. It might be the most expensive way. C'est peut-être le teuer Weg. Ça peut être le chemin le plus oui, le plus so cher. Far from where you are going to be going from one place to another. Zu weit weg für Orte, zu denen man hin muss. Die Strecken sind vielleicht länger. Ou tu peux te dire que oui, le chemin peut être encore plus loin, plus oui, ça sera plus difficile. The spirit might not be comfortable at all. Unbequem. Ça peut être oui, ça peut pas être ça peut être que la décision pour l'esprit ça que ça c'est pas confortable. But Jesus said the spirit is the, you know, it's the spirit that giveth life. Aber Jesus sagt, nur der Geist gibt Leben. Et Jésus-Christ dit que c'est seulement la décision pour l'esprit qui te donne la vie. Praise the Lord. Amen. And also imagine the faith of the old. Und ich habe auch über den Glauben der Menschen im alten Bündnis nachgedacht. Et j'ai aussi pensé à de la foi des gens de l'Ancien Testament. That's where this message is coming from. What is faith? Daher kommt auch die Botschaft von heute, was für ein Glauben. Et c'est pour cela que j'ai aussi ce message aujourd'hui pour vous, parce que j'ai pensé à ça et l'Éternel m'a dirigé et le message c'est qu'est-ce qui est la foi? What a faith. Was für ein Glauben. Quelle foi. Amen. Who can still stand at the 99 hours when everything is falling apart? Wer kann immer noch stramm stehen, wenn alles zugrunde geht? Qui est capable de rester ferme pour l'Éternel quand tout est en train de, oui, de couler? When nothing is working. Now, you know, it sounds as if nothing is working. Everything going from fry pan to fire. Es sieht so aus, als ob nichts funktioniert, ob die Situation sich sogar verschlechtert und verschlimmert. Quand rien ne marche, quand tu as l'impression que la situation est en train de devenir encore plus pire. Who can still stand and say, I choose you, Christ? Wer kann dann immer noch sagen, ich wähle dich und nicht das Fleisch? Qui est capable à dire que Jésus-Christ, je te choisis et pas la chair? Praise the Lord. Amen. You know, if you look at the three Hebrew boys, wenn du dir die drei hebräischen Jungs anschaust, si tu vois les trois garçons hébreux, amen. You know what a faith. Was für ein Glauben. Mais quelle foi. Praise the Lord. Alleluia. Daniel, you know what a faith. Oder auch Daniel in der Löwengrube, was für ein Glauben. Même Daniel, quand il était avec les lions, quelle foi. Amen. You know, Abraham giving his son. Der seinen Sohn gibt. Tout comme Abraham, quand il a donné son fils pour qu'on puisse oui, le tuer. Use your hand to kill your son. Der mit seiner eigenen Hand seinen Sohn töten soll. Dieu lui a dit d'utiliser ses propres mains pour tuer son fils. It's not somebody else killing him, but use your hand. Aber nicht dass jemand anderes ihn töten würde, sondern dass du mit deinen eigenen Händen ihn aufschlitzt. C'est pas qu'il a commandé à quelqu'un d'autre pour tuer son fils, ou bien il a dit que donne à cette personne pour tuer son fils. Il a dit que lui-même il doit tuer son fils. Was für ein Glauben. Moses. Praise the Lord. Yeah, many. There are so many. Amen. Praise the Lord. Quelle foi ils avaient vraiment. Also Paul and Silas in prison. Und es gibt so viele Beispiele, auch Paulus und Silas im Gefängnis. Il y a beaucoup des exemples, même comme Paul et Silas. Nothing outside could threaten them. Nichts da draußen konnte sie bedrohen, konnte ihnen Angst machen. Rien qui s'agissait de l'extérieur pouvait les menacer. Donc ils étaient dans la prison, ils étaient vraiment en crise. For them, what was inside was bigger than whatever is outside. Für sie war das, was drinnen ist, größer als das, was draußen ist. Pour eux, ce qui se trouvait à l'intérieur était plus grand que ce qui se trouvait à l'extérieur d'eux. The freedom they had in Jesus was greater than any natural freedom. Die Freiheit, die sie in Jesus hatten, war größer als jede physische Freiheit, die Welt ihnen bieten kann. Ils étaient en prison, malgré qu'ils étaient en prison, mais la liberté qu'ils étaient en Christ, qu'ils avaient en Christ, était plus grande que la liberté qu'ils avaient dans le monde. Amen. We go there later. Amen. If you look at all these people. Und dann gehen wir gleich, wenn du dir all diese Leute anschaust. Et si tu regardes à tous ces gens-là. And stand, no, compare it to this time. Und das mit dieser Zeit vergleicht. Et tu le compares aussi à ce. You will say, you will ask this question: is there still faith on earth? Wirst du dich fragen, gibt es überhaupt noch Glauben auf Erden? Là, tu vas te demander encore, mais est-ce qu'il y a encore de la foi ici sur terre? Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. If you look at these people, read about them and see how strong their faith, you know, so solid. So you know, there was no leakage at all. You can see it's so solid. You would then compare it to the faith of today. And you can see the difference is like life and death. Und dieser Unterschied zwischen ihnen und uns ist so wie Leben und Tod. Donc là, si tu nous considères, tu nous vois aujourd'hui et les gens de, oui, les prophètes dans l'Ancien Testament, tu vas voir que la différence entre nous et eux, c'est comme la vie et la mort. Donc c'est vraiment immense. If I choose only my daughter, I'm after my daughter, no one will be saved here. No one will be here. Wenn ich nur if I'm like some of you that do things because of your daughter. Wenn ich Dinge so tun würde wie einige von uns mich für Sachen entscheiden würde wegen meiner Tochter, dann wäre ich heute nicht hier, dann gäbe es diese Gemeinde nicht. Si moi je prenais des décisions comme vous, quelques d'entre vous aujourd'hui, on allait même pas avoir être dans cette église ici, il n'y aura même plus cette église ici. Si moi je choisissais toujours de faire les histoires qui sont bien pour ma fille, par exemple. Oh, my son! Ou mon son. Amen. Et si je considère in Berlin, for example. In Berlin, I will not be here. None of us will be here. Ich würde mich beugen und nicht hier sein, nicht diese Gemeinde führen. Si je considère que mon fils a qui est à Berlin, je ne serai pas aujourd'hui ici. Personne sera ici. I would choose the flesh. Ich würde mich für das Fleisch entscheiden und Christus verweigern. J'allais choisir la chair et rejeter le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Is there still faith on earth? Gibt es noch Glauben auf Erden? Est-ce qu'il y a encore de la foi ici sur terre? Because it is a matter of time. We are going to be in their position. Was ist eine Frage der Zeit? Of the three Hebrew boys to es choose. Ist eine Frage der Zeit und dann the werden position wir auch of Daniel to choose. Und dann werden wir auch an diesem Scheideweg sein, wo wir uns entscheiden müssen zwischen Leben und Tod, so wie Daniel, genauso wie die drei hebräischen Jungs. Ça sera comme, oui, comme avec les trois garçons hébreux. Si on ne choisit pas Jésus-Christ, ça sera, c'est oui, on ne veut pas avoir le même résultat que eux. Is somebody getting it? Moses. Yeah, you know, no, no, Moses. One way or the other, we are going to be in that position. It's a matter of time. C'est une Frage der Zeit. Ça sera une, oui, parce que ça sera une question du temps. Amen. To choose between the palace. Uns entscheiden müssen zwischen dem Palast oder mit, bei Kindern Gottes zu sein, die nichts haben, die fast wie Asylanten leben oder sogar schlimmer als Asylanten leben. Ich denke, es ist eine Question du temps, jusqu'à ce qu'on puisse aussi être capable de trouver aussi cette décision, comme les enfants, les trois garçons hébreux. Donc, tous les enfants de Dieu, ils ont, il y a seulement un point où on doit aussi. Pour continuer avec notre foi, pour montrer à l'Éternel qu'on a aussi une foi pareille, on va arriver à ce point où on sera obligé à prendre ces décisions comme eux ils ont pris au passé. Amen. C'est pas là ça choisir Brooke Sharon. Dass du den Palast siehst und dich dennoch für einen Bach entscheidest, dich für ein Zelt entscheidest, obwohl du in einem Palast leben kannst. Comme Élisée par exemple, il était dans un palace, mais l'Éternel lui a dit de partir dans un dans une place où il y a où les corbeaux vont lui donner à manger, et il a fait ça sans problème. Mais c'est une décision qu'il devait prendre de rester confortable au palace ou bien de partir là. You know, Elijah did Tishbite. Elijah. If you look at this man, he went to the king, according to the word of God. He went to the king and said there will be no rain for 3 years. And it happened. And he could have even had opportunity to live in the palace. But see, you know, he preferred to obey the voice of God. Go to Brook Sherry. That's where I want you to be. And now what makes sense for you? I don't know if somebody's getting it. Auch Elijah beispielsweise, als er dem König diese Botschaft gegeben hat, dass es 3 Jahre lang nicht regnen würde, hätte er auch nach dieser Ansage im Palast bleiben können und sich dort sich zur Ruhe setzen können. Aber dennoch hat er auf den Herrn gehört und ist weitergezogen, ist weg, raus aus dem Palast und unter einen Baum gezogen. Mm. Par exemple, même avec Élisée, quand il a emmené un message au roi, par exemple au palais, il lui a dit que il pouvait aussi dire que quand il lui a dit qu'il n'y aura plus de la pluie pendant 3 ans, il pouvait aussi rester là avec lui ou continuer rester au palais, mais lui il est parti, il a continué son chemin, il ne savait pas où, mais l'Éternel lui a dirigé, il est parti, il était obéissant. Praise the Lord. Hallelujah. We know the difference between the palace. Wir kennen den Unterschied zwischen dem Palast street, und obdachlos zu sein, auf der Straße zu leben, unter einem Bauch. On connaît la différence entre être dans un palais et dormir dehors, être oui, comme un mendiant. What does not make sense at all? Was gar keinen Sinn macht. C'est que ça n'a pas de sens. You tell your coworkers, they will say, what are you doing? Und du erzählst es deinen Kollegen, Arbeitskollegen, die fragen dich, was machst du da? Bist du dumm? Bist du blöd? Tu peux demander, tu peux même dire à tes collègues, par exemple, ben oui, moi je suis maintenant je suis en train de vivre oui dehors, je suis pas à gauche, attends, je n'ai pas un palais, j'ai dénoncé à mon palais. Les gens vont te dire, mais est-ce que tu es normal, toi? If you discuss it with your self mother, that is of religion. That claim to be saved. And we say, what, it doesn't make sense. Amen. Wenn du es mit deiner ungläubigen Mutter teilst, diese Entscheidung, dann wird sie sagen, es macht doch gar keinen Sinn, was soll das? Si ta décision, tu es en train de le prendre ou bien de discuter ça avec, par exemple, avec ta mère qui n'est pas, oui, qui est religieuse, qui n'est pas vraiment croyante, elle va te dire que oui, ta décision, ça n'a pas de sens. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I thank the Lord Elijah obeyed the voice of God. Ich danke dem Herrn, dass Elijah auf die Stimme des Herrn gehört hat. Je remercie l'Éternel parce que Élisée a obéi à la voix de l'Éternel. And it is a matter of time before we find ourselves in that position. Und es ist eine Frage der Zeit, bis wir uns auch in der gleichen Situation entscheiden, ob wir uns für Christus Jesus oder für das Fleisch entscheiden. Et c'est une question de temps jusqu'à ce qu'on puisse aussi être dans une situation où on doit se décider de choisir la chair ou le Christ. Amen. How many can still believe? Wie viele Leute können immer noch glauben, so wie sie? Combien de personnes sont toujours capables de croire comme eux? Amen. Again, it is a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. C'est une question du temps. Amen. That we are going to find ourselves in that position to choose. Dass wir uns auch in dieser Situation sehen, wo wir entscheiden müssen zwischen Leben und Tod. C'est une question du temps qu'on puisse être dans cette situation où Amen. Entre la vie et la mort. Please stop obeying the voice of the flesh. Hört bitte auf, der Stimme des Fleisches zu gehorchen. Arrête de obéir à la voix de la chair. Va chez lisez Genèse. And he hates it so much. Herr hasst es. Stop doing what you know that he hates. Hört auf, das zu tun, was er hasst. Arrêtez de faire ce que l'Éternel déteste. Genesis, please. On va lire Genèse. Praise the Lord. Alléluia. 3:17. Genèse 3, verset 17. Amen. He said, and unto Adam, he said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife, the voice of your daughter, the voice of your flesh, the voice of situation. You can write a lot of, there are a lot of voices there. Amen. Du kannst hier viele Stimmen einfügen. Die Stimme deiner Tochter, die Stimme deiner Freunde, die Stimme deines Fleisches, die Stimme deiner Kinder, die Stimme deiner Situation, die Stimme von deinem Konto. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre. Donc il dit ici, puisque tu as écouté ta femme, tu peux même mettre, puisque tu as écouté... le statut de ton compte ou bien ce que le docteur dit, tu peux mettre à côté de ta femme, tu peux placer chaque autre chose que tu es en train d'écouter dans ta situation. Praise the Lord. Amen. And had eaten of the tree, you ate of the tree, you park into the house, you left where I want you to be. And you are now in the where I don't want you to be. We should be careful, please. Du hast von dieser Frucht gegessen. Du hast dich dahin begeben, wo ich dich nicht haben wollte. Du bist dahin gezogen. Du bist da ausgezogen. Hast dich da angestellt. Du arbeitest jetzt da. Du hast dich da eingeschrieben. Wir müssen wirklich darauf achten, dass wir nicht da sind, wo der Herr uns nicht haben will. Donc, on doit vraiment faire. Il a continué ici. Il a dit que tu as mangé le fruit de l'arbre. Et c'est comme toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as décidé quand l'Éternel t'a dit que fais ceci, cela. Toi, tu as décidé de prendre ce travail, de partir dormir là-bas, de faire ceci, cela, c'était ta décision. C'est pas ce que lui l'avait prévu pour toi, par exemple. Tu trouves des entscheidungs gegen mich ist. Tu prends une décision qui est contre moi. Praise the Lord. Amen. And hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, because it is the ground for your sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of your life. Thorns also and thistle shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herbs of the field. In your sweat of praise the Lord. In the sweat of your face shalt thou eat bread till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for thus thou art. And unto thus shalt thou return. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord loves and he also still hates. Der Herr liebt, aber er hasst auch. L'Éternel aime, mais il déteste aussi. This period is not different from that period. Und diese Zeit ist nicht anders als die Zeit damals. Le période qu'on a aujourd'hui, c'est pas différent que le période en a. Amen. This period is even harder. Diese Zeit ist sogar härter. Le période du Saint-Esprit, c'est encore plus difficile que le période. Because this period we are seeing the death of Jesus. In dieser Zeit haben wir sogar den Tod, das Opfer von Christus Jesus vor Augen gehabt. Parce que dans cette période ici, on a même vu la mort de l'Éternel Jésus-Christ. You know, Adam did not even see any demonstration. He only heard the voice that don't eat it. Adam hatte noch nicht mal eine. But you have seen the power that Jesus came to die for you. And that alone should be the issue. And nothing else. Und hier hatte Adam noch nicht mal eine Vorführung oder eine Darstellung, eine Manifestation von Gottes Größe und Herrlichkeit und Liebe und Gnade und Herrlichkeit in Form vom Tod von Christus Jesus. Aber das haben wir heute. Na, und deswegen haben wir erst recht keine Ausrede, den Herrn zu missachten. Nous, on a maintenant, on doit pas être comme les gens qui sont en train de se cacher derrière la grâce, parce que nous, on a vu la manifestation, on a vu la mort de Jésus-Christ, il s'est donné pour nous, donc on n'a même plus besoin de partir faire tuer les animaux, mais on a maintenant le sacrifice de Jésus-Christ, c'est pour cela qu'on n'a même plus des excuses. Praise the Lord. Mm. Please let's learn to take to correction. Lass uns bitte lernen, schnell Buße zu tun, schnell Korrektur anzunehmen. On doit apprendre vraiment à être vite dans nos corrections. It is a journey. A very long journey. Eine lange Reise. Parce que c'est une c'est un voyage vraiment très long. It is a race, a very long race. Es ist ein Rennen, ein sehr langes Rennen. C'est une course vraiment oui. There's going to be correction. Es wird, and there's going to be repentance. Es wird Korrektur geben und es wird Buße geben. Bitte seid schnell daran. Il y aura une correction, il y aura aussi la repentance et on doit être vraiment vite à écouter la correction et à se repentir. Praise the Lord. Amen. Go to Matthew 24. Matthäus 24. On va lire Matthieu 24. Amen. Amen. Verse 22. Matthäus 24, Vers 22. Matthew 24, 22. Praise the Lord. Hallelujah. Will there be faith on earth when Jesus comes? Wird es Glauben auf Erden geben, wenn Jesus zurückkommt? Est-ce qu'il y aura de la foi ici sur terre quand Jésus-Christ va retourner? Amen. Verse 22, it said, and except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Praise the Lord. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en se réchapperait, mais à cause de ce qu'il a choisi, il abrégera ce temps. In Luke 9. Luke 9. Amen. Jesus told somebody. He told somebody. Da sagt Jesus zu jemandem. Ici, Jésus-Christ dit à quelqu'un. Don't go and bury your father. Gehen begrabe deinen Vater nicht. Et il dit à cet homme de ne pas partir enterrer son propre père. He called the family a dead people. Er nennt die Familie tote Menschen. Il a appelé, il a nommé la famille de cet homme. Il a dit qu'ils sont des gens morts. Amen. You know, it's only the radicals that can make it. Nur die Radikalen können es schaffen. Parce que au royaume des cieux, c'est seulement les radicaux qui sont capables de le tenir jusqu'au bout. That we see anything outside Christ dead. Werden alles außerhalb von Christus als tot erachten. C'est seulement des radicaux qui sont capables de voir toute chose qui est en dehors du Christ, que c'est quelque chose de mort. No, it's said the radicals, they are the only one. Go to Matthew 11. Matthieu 11. On va lire Matthieu 11. Praise the Lord. Amen. Amen. 11, verse 12. Matthieu 11, verse 12. It says, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Talking about the radicals. Depuis l'époque de Jean-Baptiste parut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force d'un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'emparent. In Matthäus 11,12 lesen wir, auf den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leibt das Reich der Himmel Gewalt und die Gewalt, und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an. Es geht hier um die Radikalen. Amen. The more things get harder, the more you say no to the flesh. Umso schwerer es wird, umso mehr entscheidest du dich für Christus und gegen das Fleisch. Donc ça nous fait voir que le royaume des cieux appartient seulement aux violents. De plus difficile que ça devient, et de plus tu dois dire non à la chair. Amen. That same thing he told that man. He is telling us today. Und das, was er diesem Mann sagt, sagt er auch uns. Et tout ce qu'il a dit à cet homme-là, il nous le dit aujourd'hui. Let the dead bury their Lass die Toten, die Toten to ihre Toten begraben. Das sagt Jesus it's zu uns. It's not only for that, for that time. It's still for today for us. Mm. And that voice is still coming today. Jésus-Christ dit à ces gens, laissez les morts enterrer leurs morts. Il le dit aujourd'hui aussi. Amen. Praise the Lord. Amen. It is a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. Parce que c'est une question du temps. If not now. Wenn nicht sogar jetzt. Ou bien ou. Peut-être tu es déjà dans ce temps-là. We are going to find ourselves in their position. Werden wir uns in ihrer Situation befinden. Où on va se retrouver dans cette situation où on doit décider. Amen. Mark 10, please. Markus 10. On va lire. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Mark 10. Markus 10. Verse 21. 21. Mark 10, Vers 21. Amen. Mm-hmm. Es ist eine Frage der Zeit, dass wir uns auch in dieser gleichen Situation befinden. Amen. Praise the Lord. But do you know it was a matter of time that you know Abraham found himself in that position. Go on, mm-hmm. give me your son. He was not in that position. Give me your son. Genauso wie bei Abraham. Es war eine Frage der Zeit, dass er sich auch in einer Situation wiedergefunden hat, wo er sich dafür entscheiden musste, seinen Sohn zu geben, seinen Sohn zu opfern. Tout comme Abraham, par exemple, c'était une question du temps, jusqu'à ce qu'il s'est trouvé dans la situation où Jésus-Christ lui dit, donne-moi ton fils. Praise the Lord. Alléluia. Mark 10, Mark 10, verset 21, on va le lire. Then Jesus, beholding him, loved him. I said unto him, one thing thou lackest. Praise the Lord. Hallelujah. You read the book of Revelation. Du hast Offenbarung gelesen. Oui. Jésus posera cet homme un regard plein d'amour et lui dit. Revelation 1, 2 and 3. The homework. Mm-hmm. Il te manque qu'une chose. Mm-hmm. Amen. House of God. Please still go and read it. Lest ihr euch noch mal durch. Der Herr wird noch mehr zu euch sprechen. Still your homework. Es ist immer noch eure Hausaufgabe. Mm-hmm. Amen. Amen. One thing thou lackest. You can see everywhere there is one thing. You lack one thing. You lack one thing. You lack one thing. You know, that's why, you know, people say just one thing. Out of 99, one. For 99, you are making a looking out of a looking. What do they say? An elephant. Praise the Lord. Just a little thing out of nothing. Just one. Out of everything, everything they all be good. Mm. But just this one, look at the message. Du machst eine Mücke aus einem du machst aus einer Mücke einen Elefanten und deswegen reitest du sozusagen auf dieser einen Sache herum, obwohl die 99 Dinge anderen Dinge doch gut sind. Et tu vois que même Révélation, tu sais qu'on avait notre devoir à la maison. C'était toujours la même chose. Il te manque qu'une chose, c'est qu'il dit ici. Il y a seulement une chose et tu peux te dire que ben, 99 choses, je le fais bien. Seulement une chose que je fais mal et l'Éternel me dit que ça va, c'est dangereux pour moi. Et oui, c'est évidemment, c'est comme ça. Jesus is saying that one thing is too much. Jesus sagt, diese eine Sache ist aber zu viel. It might be one thing, but it's too much. Es ist eine Sache zu viel. Et Jésus-Christ veut te dire que peut-être c'est seulement une chose, mais cette chose-là est déjà trop. Praise the Lord. Alléluia. Amen. He wants it to be him alone. Er möchte, dass es alleine ist. Il veut que ça puisse toujours être Jésus-Christ lui-même. Because it might be one thing, that one thing can take you away from him. Das ist vielleicht eine Sache, aber diese eine Sache kann dich von ihm komplett wegnehmen. Ça peut être seulement une chose, mais cette chose-là, la seule chose-là, va te, oui, est capable de t'arracher du Christ. It might be one thing, that one thing can still kill and destroy you. Aber diese eine Sache kann ich dennoch zerstören vollkommen. Cette chose-là, ça peut être une petite chose, mais ça peut complètement te détruire. That one thing is too much to give to Satan. Und diese eine Sache ist zu groß, um sie dem Satan zu übergeben. Cette chose-là, ce 1%-là, c'est trop pour donner au diable. Give me all. Gib mir alles. Parce que le Christ a dit que donne-moi tout. Don't allow it to remain wanting. Lass nicht zu, dass noch eine Sache übrig bleibt. Donc, faut pas autoriser que tu donnes à Jésus-Christ 99 choses et une chose est restée pour toi. Mm-mm. Donne-lui vraiment tout. Praise the Lord. C'est la même chose là qui va t'arracher de lui. One thing thou lackest, go your way. Sell whatsoever thou hast and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come and take up your cross and follow me. And be out that close. Und sei obdachlos. Homeless. Sei obdachlos. Amen. Et Jésus-Christ dit qu'il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu as, ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Donc il a dit à cet homme de tout vendre et de lui suivre. Et quand tu suis Jésus-Christ, sache que tu seras vraiment quelqu'un sans abri. Amen. Amen. I come and become homeless. Und werde obdachlos. Donc il te dit que vends tout et deviens sans abri comme moi. Tu es capable de le suivre aujourd'hui. Praise the Lord. Amen. I don't have any home. Ich habe kein Zuhause. Come and be like me. Sei so wie ich. Jésus-Christ te dit que moi j'ai pas de maison, mais deviens comme moi. Il te conseille d'être comme lui malgré il a rien physiquement. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, we can say it is all about Jesus. Wir können sagen, dass es uns immer um Christus Jesus alleine geht. Nous aujourd'hui, on peut aussi dire que oui, ça, pour nous dans notre vie, il s'agit que de Jésus-Christ. Amen. Amen. But your action is saying otherwise. Aber deine Handlungen zeigen etwas anderes. Tu peux le dire, mais tes actions font voir quelque chose d'autre. Amen. Amen. Somebody will say I'm working for Christ when he's never there for Christ. Jemand sagt, er arbeitet für Christus, aber er ist niemals da für Christus. Quelqu'un peut dire que je travaille pour le Christ malgré il est jamais là pour le Christ. Ah, du bist ein großer Lügner. Tu es vraiment un grand menteur. Amen. Amen. You know somebody, God, the Christ, you say don't go there, and you choose to go there. You say it's all about Christ. Christus sagt, du sollst nicht dahin gehen, aber du gehst dennoch dahin, aber du sagst, es geht nur um Christus. Christ te dit de ne pas partir là-bas, mais toi, tu continues à partir là-bas et tu dis que il s'agit de Jésus-Christ. A great liar. Dann bist du ein großer Lügner. Mais tu es aussi un menteur. What is the difference between you and Satan? Was ist denn der Unterschied zwischen dir und Satan? Jesus, the father of all lies. Den Jesus, den Vater aller Lügen. Où est la différence entre toi et le diable? Où Jésus-Christ dit que il est le père de tout chaque mensonge. Amen. Amen. If you see the finished work of Christ and see that Jesus never chose anything outside his father. He said, I do everything that pleases him. Mm, yes. What are you doing? Are you doing everything that pleases Christ? Jesus sagt, ich tue allzeit das, was dem Herrn gefällt. Aber wir müssen uns fragen, tun wir auch allzeit, was dem Herrn gefällt, was Christus Jesus gefällt? Jésus-Christ dit que moi je fais toujours ce qui plaît à mon Père. Mais est-ce que toi tu es capable de dire, d'avouer que tu fais tout ce qui plaît à ton Père? Ou bien il y a quelques décisions qui plaît à toi-même ou à ta chair? You choose him in spite of the situation. Wählen wir Jesus unabhängig von der Situation? Est-ce que tu choisis Jésus-Christ malgré la situation est un peu difficile? We choose him in spite of the shame. Unabhängig des Schams, der Schande. Est-ce que tu choisis Jésus-Christ malgré c'est honteux la situation? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 22. And he was sad at that saying, I went away grieved. For he had a great possession. Why was he sad? Weshalb war er traurig? Verset 22, il dit que en cependant ses paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Pourquoi il était triste? Amen. Because of what Christ demanded of him. Wegen dem, was Christus von ihm gefordert hat. Il était triste parce que l'Éternel lui a vraiment a recommandé de laisser tout derrière lui. Amen. You know, the Lord is going to demand the way that is impossible for you to follow without him. Der Herr wird einen Weg fordern, den du nicht ohne ihn gehen kannst. Amen. L'Éternel va demander quelque chose de toi qui est impossible de faire sans lui. To have a home before and now live on the street. Ein Haus zu haben und jetzt auf der Straße zu gehen, praise the Lord and sing hallelujah. Um in dieser Situation immer noch in Dankbarkeit und Freude zu wandeln. Est-ce que tu es capable de devenir quelqu'un sans abri et toujours continuer à dire que je remercie l'Éternel et rendre grâce à l'Éternel? He demanded something from this man. Er hat etwas gefordert von diesem reichen Jüngling. Il a demandé quelque chose ici à cet homme. Just like he demands things from us all the time. Genauso wie er auch heute Dinge von uns fordert. Tout comme il demande aussi des histoires ici pour oui. Amen. Today he demands Believe, believe me. Trust fort, er glauben. Demand it from us all the time. Er fort, dass wir ihm glauben. Aujourd'hui, il nous demande de lui faire confiance, de lui choisir. Amen. De lui croire. What he demanded from this man, for this man, for this man, it was too big. Was er von ihm gefordert hat, war zu groß. He went away sad. Er ist traurig davongegangen. Ce qu'il a demandé de cet homme, c'était trop gros et cet homme, il était triste et il est parti. Praise the Lord. Hallelujah. He demanded his life from him. Er hat sein Leben gefordert von ihm. Il a demandé sa vie. Il a dit, donne-moi toute ta vie. Weil sein Reichtum sein Leben war. Parce que sa richesse était sa vie. Amen. You know, don't go to your daughter. It can be she. Don't go to your daughter. Amen. Don't go to your don't park into the house. Zieh nicht in dieses Haus. It can be something that you know it can demand things from you. Er kann Dinge von dir fordern. Donc l'Éternel peut te demander beaucoup de choses. Il peut dire que ne pars pas chez ta fille. Ou bien il va te dire, il est aussi capable de te dire que oui, ne pars pas, n'entre pas dans cette maison où tu voulais que tu voulais acheter ou bien tu voulais ménager. Amen. Because she loved her daughter with the love of this world. If it is, you know, with the love of Christ, you will never disobey Christ. But with the love of this world, we are bound to disobey Christ. Mit der Liebe von Christus werden wir den Herrn nicht missachten. Wir werden nicht ihn missachten, wenn wir mit seinen Werkzeugen arbeiten. Aber mit der Liebe dieser Welt ist es klar, dass wir ihn missachten werden. Und deswegen werden wir dann den Herrn missachten, wegen einer Liebe, die wir zu einer Tochter oder zu einem Sohn oder zu sonst jemandem haben. Et c'est pour cela, quand tu dis que l'Éternel te dit, par exemple, ne pars pas chez ta fille, et toi tu continues à partir chez ta fille, c'est parce que tu l'aimes à travers l'amour de ce monde. Parce que l'amour de Dieu, c'est encore plus puissant que ça. Amen. Et tu sais, pour cela, tu n'es même pas capable à le suivre. Then the side of he went away sad. Und er ist traurig davon gegangen. Et cet homme, ce jeune homme, il est parti, il était triste. Because he have alternative. Weil er eine Alternative hat. Il était triste, il est parti parce qu'il avait une alternative. Beware of alternative. Nimm dich in Acht vor Alternativen. Plan B. Faites attention de vos alternatives que vous avez et vos plans B que vous avez. Amen. It's so dangerous. So gefährlich. C'est vraiment dangereux. Alternative. Eine Alternative zu avoir des alternatives. Until you do not have alternative, you can never find Christ. Erst wenn du keine Alternative hast, dann kannst du Christus auch finden. tu peux seulement choisir Jésus-Christ quand tu n'as plus des alternatives. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Let me leave there because of time. We have a lot to go quickly go through today. I hope we can finish it. The rich man is somebody that have alternative. Der reiche Mann ist jemand, der Alternativen hat. L'homme riche, c'est quelqu'un qui a une alternative. Amen. Mm-hmm. Look at from verse 23. Let's read it a little bit. And Jesus looked round about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? You know, a poor man doesn't have alternative. Jésus parcourut et regarde le cercle de ses disciples et dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. The rich people always have alternatives. This one is not working. The other one. They have a lot. Haben immer noch ein drittes oder viertes Paar Schuhe. Sie haben immer eine Alternative. Sie müssen sich nicht nur auf diese eine Sache stützen. C'est parce que les gens riches, ils ont toujours des alternatives. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont riches. Et ils se disent que ben, si A ne fonctionne pas, B, C, D, donc ils ont beaucoup de plans. Verse 24. 24. And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said unto them, children, how hard it is for them that trust in riches, that trust in their mother, that trust in whatever is outside, their trust is the flesh, the trust is an alternative to enter into the kingdom of God. Nämlich in Acht vor Alternativen. Jésus-Christ dit, continue à verset 24, il dit que, oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, surtout quand tu as beaucoup des alternatives, parce que c'est pour cela que tu dois faire attention que tu puisses avoir seulement Jésus-Christ comme ton choix et pas autre choix. If you have alternative, you will always go to the alternative. Wenn du eine Alternative hast, wirst du immer die Alternative wählen. Parce que dans ce monde, vu que tu es un être humain, quand tu as le choix entre Jésus-Christ et un alternative, tout ton corps, toutes tes pensées, c'est pour tes pensées, c'est normal de partir dans les alternatives et pas de choisir Jésus-Christ. Parce que choisir Jésus-Christ, c'est presque impossible. C'est pour cela que tu ne dois pas avoir des alternatives. Tu dois seulement voir Jésus-Christ lui-même. Verset 24. C'est ce que le dit à verset 25. C'est plus facile pour un camel de passer par l'œil d'un aiguille. Than for a rich man to enter into the kingdom of God. Mm-hmm. Amen. Amen. Because of alternative. Mm-hmm. Mm-hmm. Amen. Il y a verset 25 qu'il est plus facile d'un chameau de passer par le trou d'une aiguille que à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'alternatives pour un riche. Praise the Lord. Amen. Verse 26, please. And they were astonished out of measure, saying among them, who then can be saved? Praise the Lord. Amen. Only one thing. Then who then can be saved? Wer kann dann errettet werden? Et c'est pour cela que les disciples se sont demandé, mais à ce point-là, qui peut être sauvé si c'est difficile comme ça d'entrer dans le royaume des cieux? Donc ça signifie que personne n'est capable. Only one thing. Can see elephant out of whatever. Mm-hmm. You know how you say it. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Making some just one thing, a little shit, in a cooking. Mm-hmm. It's preventing you from eating the cooking. Mm-hmm. That little thing is just too much. Diese kleine Sache sorgt dafür, dass du diesen Kuchen nicht essen kannst. Das ist auch nur ein kleines bisschen Mist. Das ist noch nicht mal, passt doch nicht mal auf einen Teelöffel. Das ist auch keine große Sache. Wieso chauffierst du dich darüber so sehr? Wenn es nur eine Sache ist, die fehlt. Donc, c'est toujours, dans le royaume des cieux, c'est seulement une chose, une petite chose qui est vraiment dangereux, qui va te prévenir à suivre dans le royaume d'entrer dans le royaume des cieux. C'est comme par exemple un gâteau. Si on te donne un peu de la merde, on te met dans un gâteau qui est grand, tu vas même pas manger ce gâteau parce que tu dis que même si c'est seulement un peu comme ça, qui est comme une poussière, la merde c'est la merde, je veux pas manger ça quand même. Et c'est comme ça aussi avec le royaume des cieux. Please stop underrating sin. Sin means zu unterschätzen. Sünde bedeutet Christus zu missachten, das Fleisch zu wählen. C'est pour cela on doit faire attention de nos péchés. Le péché, ça signifie que tu es en train de désobéir à Jésus-Christ. Et c'est pour cela il faut pas sous-estimer ta désobéissance. Amen. Amen. Adam did not believe God. Adam hat Gott nicht geglaubt. Adam n'a pas cru en Dieu. Amen. Just one thing. Nur eine Sünde. Juste un péché. Aber eine zu viel. Mais ce péché de manger ce fruit, c'était même pas de manger le fruit, c'était de faire cette désobéissance. C'était trop. Il a abîmé la vie de toutes les générations. Hast es ihn zu missachten? Tu dois vraiment détester de désobéir à Jésus. Let us choose the flesh and not him. Hast es das Fleisch zu wählen, nicht ihn? Go there at all, please. Déteste de choisir la chair et pas lui. Don't say you hate it, but you are still there. Sag nicht, dass du es hast, aber dennoch gönnst du es dir. Ne dis pas, ben, je déteste de partir dans la chair et être dans la chair et désobéir l'Éternel, mais tu dois continuer à le faire, ça n'a pas de sens. If you remember King Saul, he said, I force myself to disobey you. He forced himself to disobey God. Wenn er sich an König Saulus erinnert, der gesagt hat, er musste sich zwingen. Ich hasse es, aber ich habe mich gezwungen, dich zu missachten. Lass nicht zu, dass es deine Story ist. Donc, ne sois pas comme le roi Saül qui disait à l'Éternel, ben, j'aime pas désobéir contre toi, mais je me suis forcé de désobéir contre toi parce que je n'avais pas le choix à ce point-là. Mais on ne doit pas être quelqu'un comme ça. On doit. Amen. We did not want to do it, but we did it. We forced ourselves to do it. You forcing yourself. Why don't you force yourself to obey him? Aber wieso zwingst du dich, wenn du dich gezwungen hast, ihn zu missachten, wieso zwingst du dich nicht, ihn zu beachten, ihn zu gehorchen? Si tu t'es, toi tu t'es forcé à désobéir l'Éternel, mais pourquoi tu ne te forces pas à obéir l'Éternel? C'est plus facile pour toi. Bon, c'est pas facile, mais c'est plus courageux pour toi. Tu seras courageux. Amen. Amen. If you read the book of Revelation, you will ask this question, who then can be saved? Mm-hmm. Wenn du das Buch in Offenbarung lesen, wirst du dich fragen, wer kann dann errettet werden? Et si tu lis la Bible, surtout si quand tu lis Apocalypse, tu vas te demander mais qui est capable à rentrer dans le royaume des cieux. Verse 27. And Jesus looking upon them said, with men it is impossible. Praise the Lord. But not with God. Amen. For with God all things are possible. Amen. It's only with me it can be possible. Mit Christus ist möglich, sagt er. Nur mir. Jésus-Christ répond aux apôtres, aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc, ça signifie que seulement avec le Christ, tout est possible. Amen. Let your focus be me alone. Lass zu, dass dein Fokus auf ihm alleine ist. Permet à ta concentration d'être seulement en Christ. Remember me in everything. Erinnere dich an ihn in allem. Rappelle-toi du Christ en tout. Take your focus away from yourself. Nimm deinen Fokus weg von ihm. Enlève ta concentration von dir selber, enlève ta concentration de toi-même. Amen. Take your focus away from, you know, the good of this world, the pity of this world. Weg von dem Mitleid dieser Welt, dem Guten dieser Welt. Lass zu, dass Christus alleine. Enlève ta concentration. No, parents love to cry. Enlève ta concentration sur le bien de ce monde. They can feel it. Amen. Give them pockets, Alma. Big one. That is as big as this room, so that they cry and feel it. Jesus cried the tears that is greater than all tears. Und deswegen Eltern lieben es zu weinen, ne, auf diese emotionale Schiene zu fahren. Aber da darfst du dich nicht drauf einlassen. Ne? Da musst du ihnen wirklich dann sagen, dann sozusagen bildhafterweise den Eimer reichen und sagen, dann füllt den Eimer von mir aus, aber ich werde nicht einknicken. Ich werde den Herrn nicht, ich werde den Herrn nicht missachten wegen euch. Faut vraiment faire attention et de ne pas laisser les sentimentalités de ce monde de t'affecter. Parce que surtout les parents pleurent aussi pour dire que moi j'étais mis au monde et commencent à pleurer. Et tu dois faire attention que ces larmes-là ne t'affectent pas. Quand quelqu'un pleure comme ça, et cette arme, ça vient de la chair, donne à la personne même un bassin, quelque chose où il va continuer à bien, bien pleurer là. Et c'est pour cela qu'on va savoir que les seules larmes qui ont été vraiment valables, c'était les larmes de Jésus-Christ. Parce que lui, il est la seule personne qui a pleuré les larmes. Ses larmes, c'était les larmes du salut, en fait. Amen. Qu'il a fait pour toi. Who dare to say? Wer kann dann errettet werden? À ce point-là, qui est capable d'être né de nouveau? Amen. Amen. So le true Christ. Nur durch Christus. Et c'est seulement à travers le Christ que quelqu'un est capable d'être né de nouveau. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 28. Then Peter began to say unto him, Lord, we have left all. You see that? There's nothing left. Wir haben alles verlassen, alles. Oh, I love this word. All mean all. Ich mag dieses Wort alles, weil alles bedeutet wirklich alles. Pierre a dit, mais Dieu, Jésus, on a tout laissé derrière nous. Il n'a pas dit quelque chose ou bien une chose, mais il a tout laissé. You know, there was, last week also, the Lord said we should see them dead. If you see them dead, you will not go to them. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, hat der Herr uns gesagt, dass wir die Menschen tot sehen sollen. Dass wir halt nicht zurück zu diesen Gräbern gehen sollen und sie wieder ausbuddeln sollen. Jésus-Christ nous dit qu'on doit vraiment voir ces gens-là qui sont comme des morts. Et tu vas pas voir, si quelqu'un ne choisit pas Christ, tu dois le considérer comme mort. Et tu vas pas partir dans un cercueil pour manger avec lui. What are you refusing to leave? Was willst du nicht loslassen? Mais qu'est-ce que tu n'es pas capable à laisser derrière? What is so difficult to live for Jesus? Was ist so schwer loszulassen für Jesus? Qu'est-ce qui est si difficile à laisser pour Jésus? He left everything for you. Denn er hat doch alles verlassen. Parce que lui, il était capable à tout laisser. Amen. If there's anyone to make Shakara, it should be Jesus. Wenn sich jemand irgendwas einbilden sollte, dann ist es doch Jesus. Si y a quelqu'un qui doit faire des fiers, ça doit être Jésus-Christ. You can see the humility. He humbled himself. Aber er hat das nicht, er hat diese Karte nicht gezogen, er hat sich gedemütigt, wegen dir. Mais Jésus-Christ n'était pas fier, il est venu ici sur terre et il s'est humilié pour toi. Amen. He said, we left all and have followed thee. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is none that have left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife. See them dead is not. It's not destruction, it's salvation. Sie tot zu sehen bedeutet aber nicht, dass sie verloren sind. Das ist nicht Zerstörung. Mais une chose avec le royaume des cieux, quand tu considères quelqu'un comme mort parce que la personne à cause du Christ, parce que la personne ne choisit pas Jésus-Christ, c'est aussi une victoire, c'est aussi un salut pour ces personnes-là. If you don't see them, then you they will be your alternative. Aber wenn du sie nicht als Tote achtest, dann wirst du sie immer als Alternative sehen und wirst immer wieder zurück zu ihnen kehren. Mais si tu ne les vois pas comme morts, ils seront toujours une alternative pour toi et tu vas toujours rentrer chez eux. And if you see them dead, it's not for destruction, it's for salvation. Und es ist nicht, sie tot zu sehen, bedeutet nicht Zerstörung, sondern Errettung für sie. Quand tu les vois, tu les considères comme morts, c'est pas pour qu'ils puissent être détruits, c'est pas pour leur destruction, mais c'est pour leur salut. See them dead for Christ's sake and the gospel's sake. Sehe sie als tot, Christus willen, des Evangeliums willen. Considère-les comme des morts, mais pour l'évangile, pour, oui, pour l'éternel et pas, oui, pas pour ce monde. Don't be one with them in anything. They will beg you for you, don't take it. Wenn sie Geschenke dir schenken, nimm das dich an. Ne sois pas un avec eux, donc ils peuvent même t'acheter des cadeaux, mais ne les prends pas parce que tu vas pas. Your children taking gift from them should not even call them. Auch deine Kinder nichts von ihnen annehmen. Don't take, you cannot, you know, the dead man from grave cannot give you a gift and you take it. Ein toter Mensch kann. You will run for your life. Wenn ein Zombie dir ein Geschenk gibt, dann wirst du weglaufen, du wirst es nicht annehmen können, weil du. Also, du verstehst gar nicht, weshalb diese Person überhaupt vor dir steht, weil sie eigentlich tot ist. Ne prenez même rien d'eux, parce que si quelqu'un qui est mort se lève et te donne un bon cadeau, tu vas pas prendre ce cadeau-là, tu vas courir, tu auras peur. Et c'est comme ça qu'on doit aussi, oui, considérer les, quelques personnes qui sont, oui. Du bist niemals eins mit ihnen. On doit pas être un avec eux. Ça donne pas quoi les jours coudés. Sei nicht gleichgesinnt mit ihnen. Ne sois pas, il a dit qu'on ne doit pas être comme eux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Verse 30 says, but he shall receive 100-fold. Now in this time. Houses and brethren and sisters and mothers. You can see that it's not for destruction. Ihr seht, es ist nicht für see them dead is not for destruction, but for salvation. Tot zu sehen bedeutet nicht Zerstörung, sondern Errettung. Et il dit que si tu laisses tout derrière toi à cause de moi, il recevra 7 fois plus dès à présent. Donc il y a une grande récompense quand tu. Oui, tu choisis de laisser tout en arrière pour Jésus-Christ. Verse 31. Mm-hmm. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein. Und die Letzten Erste. Praise the Lord. Hallelujah. I can even see that in this ministry. How the first become last and the last become first. Die Ersten, die Letzten werden, die Letzten, die Ersten. I can see them here. Ich kann sie hier sehen. Verset 31, il dit, mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers et beaucoup de ceux qui sont parmi les derniers seront les premiers. Et ça, je le vois ça aussi dans cette église. Praise the Lord. Amen. You know, sometimes things are bothering me. I want to know. I say, how will I? And the Lord will just say, hold on. Hold on, and you see it. Mm-hmm. And before I know it, I can see it. Quelquefois, il y a des histoires qui sont en train de me préoccuper. Je me dis, ben, comment je vais faire maintenant? Mais l'Éternel me dit, attends seulement et vois. Et quand j'observe, je vois qu'il a déjà tout arrangé les choses. Amen. Mais il a une solution. Again, the rich man is somebody that has alternative. Noch mal, der Reiche ist der die Alternative hat. L'homme riche, c'est la personne qui a une alternative. Somebody with the wide gate. Jemand mit dem weiten Tor. And not narrow gate. Und mit dem schmalen Tor. Un homme riche, c'est quelqu'un qui a ou son chemin qui n'est pas étroit, son chemin est vraiment si vaste. Amen. Mm-hmm. That you don't need to depend on Christ to have things. You have the flesh to give them to you. Dass du dich nicht auf Christus verlassen musst, um für Versorgung, weil deine Versorgung aus dem Fleisch kommt. Tu dois vraiment faire confiance à l'Éternel pour que tu puisses obtenir des histoires. Ça, c'est vraiment le Christ, parce que tu peux aussi avoir des histoires à travers la chair. Now we want to start, please. Amen. Amen. What Amen. A faith. Und jetzt geht es weiter mit dem Thema, was für ein Glaube. Maintenant, notre thème, c'est quelle foi? What, you know, the radical faith. Der radikale Glauben. Une foi radicale. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. No, Revelation 3. Let's go to Revelation 3. Offenbarung 3. On va lire. Praise the Lord. Apocalypse 3. Amen. Amen. Revelation 3. Offenbarung 3. Dans verset 14. 3, 14. Praise the Lord. Alléluia. And unto the angel of the church. You know, Revelation here talks about the church. The church is you and me. It's not the Gemeinde, building. It's talking about you and me. That's why you prove your heart. Deswegen prüfst du auch dein eigenes Herz. Apocalypse, il dit ici de l'église, et il parle de toi et moi, et c'est pour cela que tu dois vraiment examiner ton cœur. Amen. Amen. Prove your heart if you belong to Christ. Prüfe dein Herz, ob es zu Christus allein gehört. Examine ton cœur si ton cœur appartient que à Jésus-Christ lui-même. There's nothing outside. There's no one thing that is remaining. Es gibt nichts, was noch übrig bleibt. Examine ton cœur si ça appartient seulement à Jésus-Christ. Donc il y a rien d'autre chose qui appartient à toi-même. And unto the angel of the church of the Laodiceans. Right. This thing said the Amen. The faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Verse 15. 15. I know your works. Praise the Lord. Yeah. He knows you more than you know yourself. Kennt dich besser als du selbst. You don't know your heart. You know, sometimes you make up things. And think you are deceiving us. Il nous connaît plus que nous-mêmes, on se connaît. Et quelquefois, on est en train de se comporter bizarrement. Et on pense qu'on est en train de... Oui, que les gens ne comprennent que l'Éternel ne le voit pas. Manchmal erfinden wir Dinge und wir denken, dass wir den Menschen was vormachen, aber der Herr kennt unser Herz. Praise the Lord. On pense quelquefois on est en train de confondre les gens, mais l'Éternel connaît notre cœur. Know how hard your heart is. Er weiß, wie fest dein Herz ist. Il connaît à tel point ton cœur est en douceur. Know what you are full of. Er weiß, wovon du voll bist. Il connaît tes préoccupations. Amen. Amen. He's warning you. Er warnt dich. Il est en train de t'avertir. Better learn to repent. Wir müssen lernen, Buße zu tun jetzt. Mais on doit apprendre à se repentir. Pas après, pas demain. Aujourd'hui, maintenant. Like the book of... Let's put something here. Let's also read it. Hebrew 3. Hebrew 3. Hebrew 3. Praise the Lord. Yeah. Hebrew 3. Hebrew 4, they are all there. Hebräer 3, Hebräer 4, ist alles da. Hebrew 3, Hebrew 4, tout est écrit. Verset 7. Verset 7. It says, wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you hear his voice, today, not later. Heute sollst du ein Herz nicht verstocken, nicht später, nicht morgen, heute. Il dit qu'aujourd'hui, si vous... Là, c'est pourquoi, comment on le dit, l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, donc aujourd'hui. Amen. Not, it is not a working on it little by little. Ich arbeite daran, Lord, Schritt für Schritt. That is little by little. He said right now. Und dann heute sollst du dich entscheiden für ihn. Donc il dit que c'est aujourd'hui, pas demain. Donc peu à peu, oui, peu à peu, petit à petit. Non, c'est maintenant que tu décides de choisir Jésus-Christ. I don't know the ears you used to hear the voice of God. Ich weiß the nicht, message. Welchen Ohren du die Botschaft von Jesus hörst. If your understanding is not opened. Aber Verständnis. That's what I can think of some people. Ja, das ist das, was ich geöffnet. Et c'est pour cela, je sais pas quelle manière vous écoutez la parole de l'Éternel. Quelquefois, j'ai l'impression que quelques d'entre vous, votre compréhension n'est pas encore ouverte. They are not seeing what Christ wants them to see. Sie sehen nicht das, was they see the other way. Inside. In any message. Und sie sehen immer was anderes. Et ne voient pas ce que l'Éternel lui dit de essaie de les montrer. Ils sont en train de voir autre chose. Amen. C'est vraiment mauvais. Praise the Lord. Amen. He said, wherefore, as the Holy Ghost said, it's the Holy Spirit that is speaking. Der Heilige Geist, der spricht. Not even me. Nicht ich. Nicht der Mensch. Amen. Today, if you will hear his voice, verse 8, harden not your heart. As in the provocation in the day of temptation, in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved with that generation. And said they do always err in their heart. And they have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. This should not belong to us. Das darf nicht unsere Geschichte sein. Das darf nicht unser Weg sein, den wir gehen. Amen. Mm. Stop hardening your heart. Il dit ici, quand vous écoutez la voix de Dieu, ne endurcissez pas vos cœurs. Et puis il dit, c'est parce que ce jour-là, vos ancêtres m'ont provoqué, voulant me forcer la main, bien qu'il m'ait vu à l'occasion. Et donc, on doit faire attention. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12. Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief. Don't believe in the truth. Reading it in another way. Seeing it in another way. Was are you getting it? Yeah, bet. Il dit, prenez donc garde, verset 12, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu. C'est comme aussi quand tu te dis que, ben oui, mais j'ai compris, mais moi j'ai une autre compréhension, mais je n'avais pas le choix. Là, tu n'es pas en train de te repentir. Are you getting it? Evil heart of unbelief. Ungläubiges Herz. Böses, ungläubiges Herz. Ça, c'est un cœur vraiment qui est mauvais et qui est incroyant. Yeah, we know that Christ said it, but. On sait que le Christ a dit ça. On nous a recommandé ceci, cela, mais on pense. They have the ways of interpreting what they want to understand. Sie haben ihre eigene Art und Weise, wie sie die Wahrheit interpretieren. Sie wählen, was sie akzeptieren, was sie nicht akzeptieren. Ils ont leur propre manière d'interpréter les messages et oui, de prendre ce qu'ils veulent écouter et ce qu'ils veulent pas écouter, ils les laissent. Amen. In departing from the living God, but exhort one another daily, why it is called today. Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Why it is said, today, if you will hear his voice, harden not your heart, as in the provocation. Mm-hmm. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Please go back to Revelation. On va partir à Apocalypse 3. Amen. You know, if you also read verse 13 here, let us first of all read verse 13 of Revelation 3. He said, Apocalypse 3, verset 13. Hear the heart and ear. Let him hear what the Spirit said unto the churches. If you have, you know, everybody have ears. Jeder von uns hat Ohren. There's no one created that is born into this physical, natural world without ears. Niemand ist physisch in dieser Welt ohne Ohren geboren. Il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, on sait qu'il y a personne qui est né ici sans les oreilles. Donc, normalement, tout le monde a une oreille. Amen. Religion have their ears. Religion hat ihre Ohren. Mais on doit comprendre que la religion a ses propres oreilles. Christ hat seine eigenen Ohren. Le Christ a aussi ses propres oreilles. Amen. Religion have their own understanding. Religion hat ihre eigenes Verständnis. La religion a sa propre compréhension de tout. Christ have his own understanding. Christ hat sein eigenes Verstehen. Le Christ a aussi sa propre compréhension. Remember those two people that we are moving. They were going, and he has to open their understanding so that they can understand him. Erinnert euch an die zwei Leute, die auf diesem Weg nach Emmaus waren. Die haben gar nicht verstanden, nicht gemerkt, dass Jesus Christus mitten ihnen war und mit ihnen gegangen ist und ihnen zugehört hat. Jesus musste ihr Verständnis öffnen, damit sie erkennen, dass Jesus hinter ihnen steht. Rappelle-toi, quand il y avait ces deux garçons qui étaient en train de qui voyageaient, qui étaient même avec Dieu, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ avec eux. Ils étaient en train de parler avec Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a dû ouvrir leur compréhension pour qu'ils puissent être capables à reconnaître que c'est avec Jésus-Christ qu'ils étaient en train de parler. The greatest way to understand Christ is through humility. Die größte Art und Weise, Christus zu verstehen, ist durch Demut. La grande manière de comprendre Jésus-Christ, c'est l'humilité. Amen. Amen. You love correction and be fast to repentance. dass du Korrektur liebst und schnell Buße tust. Quand tu aimes la repentance et tu es vraiment vite à faire à te repentir. Praise the Lord. Quand tu aimes la correction, tu es vite à te repentir. That's how your understanding can be opened. So kann dein Verständnis geöffnet werden. Mais c'est comme ça que ta compréhension sera ouverte et verschlossen bleiben. Amen. Humility. Demut. True humility. Durch Demut. It's no longer you, but he. Nicht mehr du, sondern er allein. Amen. Quand il ne s'agit plus de toi-même, mais il s'agit du Christ. Amen. Any decision is no longer you, but he. Jede Entscheidung ist nicht mehr du, sondern er. Chaque décision que tu prends, c'est pas toi, mais c'est lui. If people are laughing at you, it's not you, but he. Wenn Leute dich auslachen, ist es nicht mehr du, sondern er. Alles basiert jetzt auf ihm, das ist Demut. Quand les gens se moquent de toi, il ne s'agit même plus de toi-même, mais il s'agit de lui, il se moque de lui. God children correcting me is not just people, but Christ. Wenn Kinder Gottes mich belehren, sind es immer nicht nur Menschen, die mich belehren, sondern es ist Christus, der mich belehrt. Les enfants de Dieu sont en train de me corriger. Ça c'est l'humilité, parce que quand tu vois que c'est Jésus-Christ qui est en train de t'humilier, de te corriger et pas la chair. Praise the Lord.